Président Bandakani, vous êtes un combattant. Alors, le Mali vient est en train, Jonathan l'a dit, de montrer la boussole pour le départ. Le 14 janvier, pour célébrer ce qu'on a appelé dans ce côté, au Mali, la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Président Badakani, du haut de ce que vous avez comme travail sur le terrain, ce que vous faites, un combattant de tout le temps, homme politique panafricaniste, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui vient de se passer au Mali peut gagner toute l'Afrique? Bien sûr. Qui savait que ça allait d'abord réussir au Mali comme ça? Qui savait le Mali est un miracle. Permettez-moi l'expression. Bon, l'apôtre est mieux placé. Des miracles. Le Mali est un miracle. C'est un miracle au regard de la situation qui prévalait avant l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta et ses compagnons. Quand on voit d'où est-ce que ce pays est parti pour arriver là où il est, ben, il y a des miracles dans l'histoire. Et pourquoi ça va s'arrêter au Mali? Ça ne va pas s'arrêter au Mali, puisque pratiquement ce sont les mêmes problèmes. Le même matriciel de problèmes agite d'autres pays. Boue! Fait bouillir la marmite révolutionnaire dans d'autres pays. C'est le même problème. Qu'est-ce que les pays africains, par exemple, les Sahéliens, ils ont mis le problème. Leur problème, c'est l'impérialisme, de manière fondamentale. Et ces piliers dont évoquait Jonathan Batengené, le fond de ma question, est-ce qu'on les a plus ou moins dans d'autres pays africains? Si vous partez du principe que les mêmes causes produisent les mêmes Les effets, mêmes effets. ben, c'est une question de temps. Regardez l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, hier, était la chasse gardée géopolitique de la France qui agissait pour le compte de ses parrains étrangers, de ses tuteurs étrangers qui se servaient de l'Afrique, parlons comme ça, de ses possessions africaines, pour s'asseoir à la table des grands. Mais regardez l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Le processus malien fait déjà tache d'huile au Burkina Faso. Tout à l'heure, on y reviendra. Je pense que j'ai mis, c'est parmi les sujets. Absolument. Les tâches d'huile, ça passe. Regardez la sauce qui bouillit au Niger. Laissez Bazoum et ses pizzeries. Regardez le mouvement social au Niger. Ça me fout quoi, qu'est-ce qui va se passer au Niger? Il y aurait une dialectique semblable à celle du Mali qui, tôt ou tard, va déboucher sur le même résultat. Parce que, comme je dis une fois de plus, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Parce que la France et les Français, ils ne changeront jamais. C'est une malédiction. Ils ne peuvent pas changer. Ça va produire les mêmes effets. Donc, moi, je pense que, pour aller dans le fond de mon analyse, Jonathan a regardé la dynamique sous le prisme des menaces qui pèsent sur cette révolution. C'est pour ça qu'il interpelle, il dit de rester extrêmement vigilant. Tout à fait. Et il dit que ce n'est pas encore acquis. Il a raison, mais comme c'est une dialectique, il y a deux faces, c'est-à-dire ces deux aspects du mouvement qui sont devant nous. Je préfère insister sur ce que l'État malien dit. L'État malien dit que la souveraineté est retrouvée. Vous comprenez ça? C'est ce qu'ils disent. Et je Comment pense vous comprenez ça? qu'ils ont des arguments pour le dire. Je comprends ça très bien. Et ils doivent le dire. Même s'il faut tenir compte de cette double dynamique, de cette dynamique, les deux pôles de la dynamique. Jonathan insiste, il y a un pôle. Tout à fait. Et il faut insister là, énormément, d'ailleurs. Parce que nous voyons tous les menaces qui sont en train de peser sur le pays. N'est-ce pas? On voit la réaction de l'impérialisme français, franco-européen. On voit ce qu'il trame. On voit ça très bien. Mais ça ne doit pas nous empêcher de dire que la souveraineté a été retrouvée pour magnifier le chemin parcouru. Parce que c'est en magnifiant ce chemin parcouru qu'on va inspirer la vigilance pour juguler les menaces dont parle Jonathan. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut voir d'où est-ce qu'on est parti. Où était le Mali? Il n'existait plus comme pays. Il n'existait plus. Et le symbole de cette non-existence, c'est le voyage de Macron au Mali, qui a demandé à l'ancien président, bon, comme les deux, nous respectons sa mémoire. Il s'appelle encore Ibeka, de venir le recevoir à Gao. Gao, qui était sous occupation française, en duo avec. Ouais. Je sais pas ce que vous signifiez. Macron a fait ça au hasard. C'était une humiliation programmée. C'était un message clair. au monde entier et à ceux qui mangent dans le plat français, à la table, entre guillemets, l'ancienne table des grands, parce qu'ils sont plus grands. Hein. L'ancienne table des grands, là, ceux qui mangeaient là, Macron envoyait un message pour dire que regardez, je suis chez moi. La mission marche très bien. Ça marche bien. Bientôt, on va se partager. On va faire une nouvelle conférence de Berlin. On va se partager le Sahel et toutes les richesses qu'il y a en dessous. Et en dessus. Ça, ça voulait dire la visite à Gao. C'était ça. Et nous, les Africains qui étions ici, les panafricanistes, nous, on était un doigt de suicide. Parce que c'était une image. C'était une image que. Insupportable. C'était insupportable de voir ça. Nous avons crié ici, dénoncé ici. Donc le Mali n'existait plus. Le Mali n'existait plus lorsque Assimi Goïta, homme de front, soldat au front, arrive à Kidal, on lui dit, vous n'entrez pas ici. Vous ne progressez plus. Ça va là. Mais pour que s'il y a ici, c'est un territoire français. C'est un territoire spécial. Il faut une autorisation spéciale de la France pour entrer ici. Au Mali. Et le colonel Assimi Goïta prend conscience, là, que son pays n'existe plus. Lui et ses compagnons prennent conscience que le pays n'existe plus. Et certainement, ils vont décider dans leur cœur ce jour qu'on est fini, on va réparer cette situation. Ils ne vont pas crier sur les toits. Ils disent ça. Si le Mali n'existe plus, nous, on est morts. Cette affaire, on va régler ça. Le Mali n'existait plus. Car lorsque on défile tout l'État à Kidal, les voyous de la Zawad, là, devant l'ambassadeur français pour dire que c'est un territoire libéré. Oui, et il est assis. Le Mali n'existait plus. Le Mali n'existait plus lorsque les Français arment les terroristes, les entraînent, les donnent des armes, les entraînent, et viennent tenir un discours de mensonge le jour, que nous sommes ici pour lutter contre le terrorisme. Bon, ils mentaient même pas, sauf pour les nègres, parce que quand on dit qu'on lutte contre le terrorisme, ça veut dire ce que ça veut dire. Puisqu'on ne dit pas qu'on lutte contre les terroristes, on dit qu'on lutte contre le terrorisme, une abstraction généralisée qui ne signifie rien. Sauf les naïfs. Le Mali n'existait plus lorsque les gens viennent de dire qu'on signe un accord, les gens viennent de dire que, ok, nous vraiment, ici là, on vient signer un accord, on va vous soutenir pour en finir avec le terrorisme. Hein. Notre intervention, c'est dans les airs. Nous, on s'occupe en accord avec, en harmonie, n'est-ce pas, en synergie avec l'armée du Mali. Notre rôle, c'est de vous soutenir au niveau aérien. Et après quelques jours, l'aérien et le terrestre se confondent. Et dès qu'il y a cette confusion, au bout de quelques temps, le Mali est occupé aux trois quarts. Le territoire malien aux trois quarts est dans les mains des terroristes. Oui. Qui contrôlent. Alors, ceux qui sont inspirés historiquement vont fouiller les archives. Ils savent que ça, c'est un vieux projet. Oui. Le vieux projet de fermer. La vieille communauté des communes sahéliennes, là. Oui. Le vieux projet français. Oui. Le vieux projet français. La balkanisation du Mali. S'inscrit dans un vieux projet français. D'accaparement des ressources de sous-sol. Qui avait déjà échoué en son temps. Donc, le Mali n'existe plus. À partir de ce moment, les patriotes maliens commencent à prendre conscience de la gravité de la situation. Au niveau de l'armée, au niveau des populations. Je ne vais pas revenir sur tous les mouvements qui ont commencé à se former. Pour un, redécouvrir le caractère criminel de leur relation avec la France. Après qu'on ait célébré le criminel français qu'on appelle François Hollande, qu'on ait célébré au Mali, on l'appelle le sauveur. Il est venu mentir aux Maliens, les mentir. Et nous, on était ici pour leur dire, à l'époque, oui. On criait ici pendant que certains nous insultaient. D'ailleurs, ben, faut pas ressasser ces choses-là. On disait aux Maliens à l'époque que c'est un menteur. Ils vont créer une base militaire française au nord du Mali. Mm-hmm. Même pas vous sauver. C'est toute l'opération Serval. C'est l'opération Serval. Ils ont célébré. L'opération Serval s'est transformée en Barkhane. C'était la descente aux affaires de Mali. C'est tout. Les Maliens ont commencé à prendre conscience. Les patriotes de Mali ont commencé à prendre conscience. Ils se sont panafricanisés au fur et à mesure. Et ce mouvement s'est constitué au fur et à mesure. Il va atteindre son apothéose dans le renversement de monsieur, non, le renversement de la démission de Ibeka. Et la jonction entre le mouvement populaire et la branche patriotique de l'armée, incarnée par Assimi Goïta et ses compagnons. Oui. Comment on appelle ça? Voilà le déclenchement du processus de recouvrement de la souveraineté perdue. Parce que ce qu'il vient de vous dire tout à l'heure, démontrer qu'elle était vraiment perdue. Mais qu'est-ce que la souveraineté à la fin? C'est quoi la souveraineté? C'est la capacité de décider en dernière instance de son propre sort. Oui. C'est la souveraineté. Le Mali l'avait perdu. Okay. Ça avait disparu. C'était parti. Au point où les politiciens maliens, tous corrompus, conjuguaient l'avenir dans cette dépendance. N'imaginaient pas un autre avenir possible pour le Mali en dehors de cette indépendance. De cette dépendance-là. Scellé par certains accords qu'on appelle les accords d'Alger. Très bien. Et moi, je ne voudrais pas revenir sur certains propos du président Tebboune. Je respecte Linda Labawi. Mais nous avons compris, hein. On a compris. Bon, on sait qu'en diplomatie, souvent on fait des tours de passe-passe. On comprend ça. Mais on n'a pas voulu te commenter là-dessus. Au regard de nos relations avec le peuple algérien, l'histoire de l'Algérie, qui est quelque chose d'extraordinaire pour l'Afrique, nous espérons que c'était un tour de passe-passe diplomatique. Oui. On espère ça. C'est ce qu'a dit le président Tebboune. Il ne faut pas jouer avec des choses comme ça. Oui. Parce que le sort d'un pays est en jeu là. Et le sort de l'Afrique est en jeu là-bas. On ne joue pas avec ça. Les accords d'Alger, il y a un problème. C'était terrible. Nous avons un problème. Il peut y avoir tout ce qu'il y a de bon là, mais le fait de consacrer la partition de l'Algérie, du Mali, cet accord devient inacceptable. Oui. Ça devient inacceptable. Donc, j'étais en train d'indiquer que, alors quand le président Tebboune a dit ça, j'ai pensé à Linda Labawi. J'ai dit que, bon, ok, moi je me tais, on va régler ça en famille. Tout à fait. On va régler ça en famille. Linda nous suit très bien. Non, mais c'est clair. Elle m'a dit un mot dessus. Non, c'est clair. Donc, j'étais en train de dire que, il y a tout le Mali là. C'est terminé. Donc, le processus. Pendant que l'exemple politique et la fausse société civile financée par la France au Mali, et ça construit d'ailleurs aujourd'hui des fonds qui sont votés en plein jour pour aller financer la fausse société civile dans un pays, au vu aussi de tous, hein, ça ne dérange personne, en dehors par l'Union africaine, ça ne dérange personne. Donc, la jonction entre la branche patriotique de l'armée, la branche la plus consciente de l'armée, et le mouvement populaire a conduit cette révolution, la parachute. Et ils arrivent au pouvoir, ils subissent l'agression, en mon vision, de la CDAO, piloté par Paris. Mais maintenant c'est passé, mais venez voir l'époque, c'est pas de poignard, mais c'est grave, c'est-à-dire que c'est 10 coups de couteau qu'on met dans votre cœur en plein jour. Hein. Il était question de détruire le Mali, de faire disparaître ce pays. Tous les pays voisins, la CDAO, nous citons la CDAO, complices des terroristes avec la France, dès que la révolution a lieu et que les orientations du pays sont claires, ils se tournent, ils diversifient les partenariats dans le sens de sauver le pays, la CDAO agresse le Mali. La CDAO entre en guerre contre le Mali. Vous vous rappelez? Avec pour objectif de faire tomber le régime, en dressant les populations contre les militaires. Alors, quelque chose va se passer, Aboubacar Sidi. Quelque chose va se passer d'extraordinaire. C'est ça. La démonstration au monde entier par ce peuple-là que nous avons compris. Oui. Le peuple malien. Et que ça ne passera pas. Nous allons vous démontrer que nous sommes derrière nos dirigeants. Qu'ils agissent en notre nom. C'est le 14 janvier 2022. Vous vous souvenez? Ouais. Le 14 janvier 2022. C'est pour ça que cette date-là est devenue la référence. C'est pour ça que l'État malien décide maintenant que non, cette date-là, on va célébrer ça. C'est ce jour que les Maliens ont dit au monde entier que vous vous trompez. Nous savons où nous allons. Ça ne marchera pas. Oui. Nous sommes derrière. Par millions, le monde entier est vu. Ça a effrayé l'ONU. Ça a effrayé la France. C'est frère l'Union européenne, c'est frère les Rousa. Ils ont dit, faisons attention, changeons de méthode. Là, on est coincé, changeons de méthode. Barkhane est parti. Takuba est parti. Takuba, c'est les amis européens que la France a amenés pour se partager le gâteau. La CDAO raccroché. C'est quoi ce truc? Ça existe encore? C'est quoi ce truc? Vous avez encore appelé ce machin? Quel Africain c'est qui peut parler encore de la CDAO sans vomir? Qui parle de ça sans vomir? La CDAO. Nous, on pouvait parler de leur patron. Parti. On a commencé à organiser la réaction à partir des trois frontières avec la base au Niger. Vous avez donc compris l'ONU, son secrétaire général, qui est devenu un voyou. Je suis désolé, hein? C'est un fait. Oui. Il vient se mettre là au Niger pour dire qu'il faut que la communauté internationale arme le Niger. Oui, tout à fait. Pour faire la guerre au Mali. Oui. C'est encore le rôle d'un secrétaire général. C'est son rôle, ça. Et on laisse passer. Quand nous parlons, on dit que non, nous sommes violents. Que nous ne sommes pas polis. Que nous ne respectons pas les règles diplomatiques. Des voyous nous apprennent la diplomatie? Non, des voyous nous apprennent la diplomatie? Moi, je dis non. Boubacar, je veux voir. Vous voulez me dire, président, soyez courtois. Je vous ai déjà dit que nous n'insultons pas. Non, mais je n'ai pas dit. Bon, je pense qu'on peut quand même. Non, je vois les gestes. Je vois les gestes. C'était vocabulaire. Non, le vocabulaire est trié. C'est parce qu'il est trié qu'il parle comme ça. On peut encore faire des efforts. Il méritait mieux. Non, je dis que le vocabulaire a été très filtré. C'est pour ça que je parle comme ça. On peut encore faire des efforts. Écoutez. Je sais compter sur vous. Merci. Vous pouvez continuer. Nous n'insultons pas, je vous demande. Donnez-moi 2 secondes, je vous demande. Quand nous avons parlé ici de Sarkozy, maître. Oui. Je n'ai pas dit que nous l'avons insulté. Oui. Après, la justice de son pays, là. Mais. La justice de délinquant. A dit quoi? Délinquant primaire. La justice. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit de lui? Il a été condamné. Bon, prenez Bolloré. Et puis on a dit que nous insultons les gens. Oui. En France, il est à correctionnel. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. La correctionnelle. Il dit en France, Bolloré est à la correctionnelle. Après avoir déjà accepté l'infraction, que je suis coupable. Tous ceux qui ont dit que non, nous sommes violents, on insulte les gens. Ils sont où? Ils sont où? Il faut faire attention. Et nous devons être fermes par rapport à ça. La bagarre que nous menons aussi, c'est aussi une bagarre pour démanteler l'hypocrisie du langage diplomatique. Parce que ça tue un million. Les choses sont en verse et parlent bien. Ils avagent le peuple. C'est clair. C'est une bataille que nous menons. Nous n'avons jamais insulté ici. Insulter veut dire dénigrer les gens. Dire des mots clairs à la valeur. Il y a des gens. Oui. Mais quand je parle du secrétaire général, vous voulez m'amener à être terrorisé par un faux titre qui habille quelqu'un qui est dans la délinquance à tout point de vue. Ça l'habille et ça nous effraie que non, laissez-le. Et pendant ce temps, il vous détruit. Quelqu'un se lève et dit que vous allez mourir par millions par rapport à une fausse maladie qu'ils ont inventée et c'est le complot. Oui. Et on voit ça aujourd'hui, c'est-à-dire que les preuves sont là. Vous nous dites, non, respectez-le, il faut de la cour. Vas-y. Couteau avec qui? Si vous arrêtez un bandit chez vous, là, il veut vous tuer. Vous l'attrapez dans votre maison en train de faire vous tuer. Vous le respectez. Hein? Vous allez dire vraiment, je suis courtois, c'est un bandit gentil, c'est un humaniste. Vous allez faire ça. Hein? Vous le tuez, non? Et la loi reconnaît ça. On appelle la légitime défense. Si vous ne le tuez pas, vous avez tué votre famille. C'est un crime, vous avez tué. Vous devez le tuer. Parce que vous allez vous tuer. Mais dis-moi pourquoi dans le cadre de la diplomatie, on trouve quelqu'un qui veut nous tuer. Il annonce la mort par millions de nos frères et sœurs sur la base d'un poison qu'ils ont fabriqué pour nous tuer. Et il a mis les fabricants. On dit non, président, vraiment. Attention, c'est le secrétaire général de l'ONU. Mon œil. Pourquoi? Mon œil. Il est venu au Niger. Outrepassant ses fonctions, venir à un surarmement du Niger par la communauté internationale. Je n'ai jamais vu. Comme si l'État du Niger n'était plus un État indépendant. Alors que le Niger n'avait rien demandé, ni par écrit, ni par oral. Alors, au lieu de le faire, il est venu le faire. Pourquoi? Pour détruire le Mali. Pourquoi ils disent maintenant que la souveraineté a été retrouvée? Ce ne sont pas des mots, c'est vrai. C'est parce que la souveraineté a été retrouvée qu'il y a de telles versions au niveau de la CEDEAO, au niveau de la communauté internationale, autoproclamée d'État bandit. Au niveau de tous ces gens-là, de la France, c'est comme ça. La France s'agit jamais contre un pays qui n'est pas. Quand un pays n'est pas souverain, les Français sont contents. Oui. Vous marchez bien avec eux. Oui. Hein? Vous voulez partir voir mon célèbre la Côte d'Ivoire? Allez voir tous les journaux pour français. Non, l'économie ivoirienne au zénith. Il y a un génie qui dirige la Côte d'Ivoire. Les taux de croissance sont à 6 chiffres. On compare le Cameroun que les deux pays africains sont les derniers. Mais c'est les médias français qui le disent. Hein? Les médias franco-européens qui le disent. Vous savez pourquoi? Et pas, c'est un pays indépendant. C'est un pays qui n'a aucune souveraineté. C'est un pays qui travaille pour les Français, pour le réseau de criminels qui ont détruit la Côte d'Ivoire et ont arraché le pays. Et c'est le partage. Et ce partage-là, on appelle ça la croissance économique à 3 chiffres. Ouais. Oubliant que, mais, ça me fait rire. Le chômage, c'est le même modèle. Non, c'est pas, il y a le chômage. On l'a nourri avec la drogue. Maintenant, c'est devenu un problème de santé publique reconnu par l'État ivoirien. Mais hier, quand on a parlé de ça ici, n'est pas, on a dit que nous, on a suivi la Côte d'Ivoire. Un pays narcotrafiqué. Pourquoi maintenant on reconnaît ça en Côte d'Ivoire que c'est un problème de santé publique? Tout à fait. Pourquoi on reconnaît ça? Mais à l'époque, on dit non, hein, Balakani et tes gens-là, vous haïssez Ouattara, vous êtes des aigris, machin comme ça, machin. Président, il y en a qui disent que parce qu'on dit que Ouattara est un sanguinaire, ils trouvent que je suis excessif. Mais bien sûr, ils trouvent dans l'expression, sied au personnage. Mais ça, c'est un débat. La rébellion du Pigo, du MPCI. Les personnes gorgées. Pourquoi vous allez dans les canneurs? Ils voient, ils faisaient quoi oublier? Eux-mêmes ont passé 3000 personnes, Pond à Bobo, les Pigo MPCI, on égorgeait des gens, le sang recueillait dans des bassines. Et les combattants libériens et Sierra Leoneais qui étaient venus, ils buvaient cela. Ils buvaient du sang. Qui a parrainé la rébellion de... C'était Ouattara. Mais je dis, Donc, c'est la place. Non, c'est pour argumenter. Les éléments pour monter, c'est tout. Écoute, monsieur. Vous allez sur ce plateau. Monsieur Aboubakar. Monsieur Aboubakar. Vous pouvez parler du Mali sans parler de la Côte d'Ivoire. Absolument. On vient d'attendre les mercenaires. Aller faire le coup d'état pour détruire un pays. Mercenaires, des légionnaires français, mercenaires. On les a pris la main dans le sac. Et ils se sont agités partout. Le régime est resté ferme, silencieux. C'est quand ils se sont pliés qu'on a libéré ces soldats. Non, ces mercenaires, parce qu'ils sont condamnés. Ils sont condamnés. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est une grâce. Donc, vous n'avez pas dit la sécurité du Mali sans parler de ça. Ah oui. Donc, mais il a raison quand il dit ça. Oui. La fausse pays est là que nous avons détruite complètement. Mais elle est tellement détruite que elle marche partout. Oui, mais non, la détruite. Non. Qui lève encore la tête? On voit. On va couper encore. Elle n'existe plus selon vous. Pour nous, ça veut dire quoi? Nous avons dissous la CPI. C'est quel mandat d'ailleurs? Nous avons, nous les panafricanistes, nous avons dissous la CPI. En créant ça, on leur a demandé ton avis. Les gens m'ont l'affaire. Nous, maintenant, on fait quoi? On a dissous ça. On a pris le dossier. C'est quoi dissous ça? Et c'est dissous la preuve. Ils ont dit partout tous les jours que bon, voilà maintenant où le procès, Babou étant libéré et Blé Goudé, on m'a vu le procès de Kangwata. Pourquoi ils n'ouvrent pas? Ils sont dissous. Même les parents savent que la reste, ça ne vaut rien. C'est tout. Pour corroborer ce qu'il a entendu dire. Mm. Que même les amis de M. Ouattara ont les documents, toutes les preuves de crimes dont il est le responsable, le chef, l'organisateur, le planificateur. Avec ses amis de la communauté internationale des criminels. C'est pour ça que la CPI a même coupé. On va ouvrir. Elle est venue manchot, on va ouvrir. Qui vous a dit de dire ça? Moi, je suis obligé de dire ça. Mais il fallait dire que. Il fallait tout ça traiter de pardon. Mm-hmm. Vous êtes trop fort. C'est que c'est toi qui as tué. L'affaire est close. Vous dites qu'il est innocent, il n'a rien fait. Mais maintenant qu'il n'a rien fait, on cherche le vrai coupable. Dès que vous ouvrez la porte, vous voyez que bon, le coupable, c'est la communauté internationale. Des criminels, M. Ouattara, les Guillaume Soro, tous ces gens-là, qui te passent aujourd'hui pour les grands panafricanistes. Vous commencez à danser. Bon, tu vas dire que c'est une parenthèse, je termine en disant. Voilà, c'est ça. La souveraineté. Ça, c'est le débat panafricain. La souveraineté, là, c'est pas le blague. Être le pouvoir. À partir de mon certain que je viens de vous faire, et l'épisode en date, là, des mercenaires ivoiriens, c'est la consécration de cette retrouvaille. C'est la consécration. Parce que ceux qui ont dit que la gente est incantable, se sont mis à genoux devant la gente. Eux-mêmes. À genoux. Nous savons que la France avait pour envoyer spécial Forêt. C'est pas les enfants. C'est tout. On sait pourquoi ils ont fait un tour au Togo avant d'aller en Côte d'Ivoire. Oui. C'était pour changer les mercenaires. Même si les légionnaires sont rentrés en France. Même sont rentrés dans les bases. Si, à la fin, en tant qu'Africain, quand on met le côté faux Africain à la peau noire comme le monsieur Ouattara et consorts, à la fin, on est content que bon. C'est terminé à l'Africaine. C'est on peut être content. Mais on n'est pas naïf. On sait très bien pour qui il roulait fort. Et c'est ce que nous avons demandé sur ce plateau. Mais bien sûr. Nous ne sommes pas les irresponsables. Nous ne sommes pas les responsables. Qu'on les juge. Clair. Tout le monde s'est plié devant le Mali. Claire, nous ne sommes pas les irresponsables. Quand les gens veulent instrumentaliser nos frères noirs pour la guerre, nous avons les tactiques pour dépasser ça. En ne sacrifiant pas la vérité, c'est ce qui a été fait dans cette affaire. D'accord. Mais nous connaissons pour qui roulait le président. Donc tout le monde entier, en commençant par ce que tu es déjà de l'ONU, à qui on a rappelé qui il est. Il n'est que le coursier du président, il n'est pas chef d'État. On l'a rappelé, il n'est qu'un coursier. Tu sais qu'il a parlé de manga musicien camerounais. Après manga, il disait que. Dans porteur fondant. Dans ciment, porteur fondant. Dans. Vous voulez dire quoi, c'est maître? Yes. Pas maître. Non. Pas maître. Il voulait dire que toi, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu es seulement un porteur de papier. C'est tout. Et toi, j'ai dit que tu étais l'ONU, c'est un coursier. D'accord. Il n'est pas président. Pour s'émêler les Africains, il ne regarde pas comme il a voulu faire dans le camp malien pour sauver son ami Ouattara. C'est ça. Bon, ils les ont mis à la place. Donc, pour dire qu'il y a eu une consécration à la faveur de cette affaire, comment elle s'est terminée? De la souveraineté retrouvée. Mais, je ne suis pas là. C'est là où Jonathan, ce qu'il a dit est très intéressant. Cette souveraineté est menacée au jour le jour. Quand nous célébrons la souveraineté, en même temps, nous avons un œil très ouvert sur toutes les menaces qui sont organisées contre la souveraineté retrouvée du Mali. Mmh. On voit ça tous les jours. La France, la communauté, l'OTAN, c'est l'OTAN. Tout à fait, c'est l'OTAN. L'OTAN. D'accord. L'OTAN. Qui tous les jours, à partir du Niger et le nom des trois frontières, organise la réaction internationale contre le Mali, en armant les terroristes, en activant les réseaux dormants d'hier, qui au nom de la démocratie se réveillent et racontent tout n'importe quoi. Les faux politiciens maliens, les politiciens, les politiciens, Les leaders religieux corrompus. Corrompus et consorts. Tout ça. La camarilla. La camarilla de la réaction. C'est lui le premier. Est debout pour diviser l'unité du peuple et des dirigeants. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent faire là maintenant. Éclater cette unité. Démanteler cette unité pour entrer et opérer. Et le temps passant, les réalités même du pays. Parce que la transition, écoutez, n'a pas une baguette magique pour régler près de 40 ans de gabegie et d'une responsabilité d'une nation. Pas que magie, c'est que tu vas régler ça. Quelle que soit ta volonté, il y a des priorités. On priorise la sécurité. Et en priorisant la sécurité, ça peut se faire au détriment de certains secteurs sociaux, des performances socio-économiques, pour le niveau de vie des populations maliennes. Les charlatans manipulés par l'OTAN et la France sont donc là pour tous les jours commencer les chansons. Les populations souffrent, il y a ceci, la transition dépense l'argent, les gens sont riches, machin, et qu'on sort. Et nous trouverons devant eux. Tous ceux qui vont attaquer le Mali attaquent les paracanistes. Et nous avons suffisamment de puissance. Ici, pour les dérouter. Donc nous sommes derrière la transition malienne. Nous sommes en fait avec eux pour cette souveraineté retrouvée. Et nous sommes aussi en guerre contre tous ceux qui organisent les menaces contre cette souveraineté retrouvée. L'OTAN et leurs valets locaux et leurs valets de la sous-région. Vous savez de qui je parle. Merci, merci à vous. Hein. Difficile de vous couper, hein. Président Badakani. Afrique Média, le monde. C'est nous.